Dans cette banque, j'ai découvert pas mal de choses, j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs. Parce que, étant dans notre état de pauvreté, je me suis trouvé tout à coup face au monde de l'argent, que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas ce que c'était. J'avais jamais vu un billet de 1000 francs. Et tout à coup, je découvrais ce monde de la monnaie, où on distribuait des traites, où on encaissait des chèques, où on trafiquait, on prêtait de l'argent pour avoir des intérêts, quelque chose que j'ignorais totalement, quoi. Et quel était ton rôle exactement? Alors j'étais un petit peu saute ruisseau, je faisais n'importe quoi. Alors mon patron, qui était un type qui était près de ses sous, il nous faisait retourner les enveloppes cachetées qu'on recevait des grandes banques de Paris lorsqu'il y avait des envois d'actions, de papiers qui avaient une valeur. Alors on enlevait les cachets de cire, j'étais chargé de récupérer les cachets de cire et de les faire fondre et de refaire de nouveau. Je retournais les enveloppes de façon à pouvoir faire des envois avec ces enveloppes retournées. Et comme ça lui évitait des frais, quoi. Et en plus, alors j'ai découvert une chose qui était assez grave pour moi, tout au moins, j'ai jugé ça grave, c'est que comme c'était la guerre, lorsque j'ai commencé à travailler, c'était en 1918, donc c'était la dernière année de la guerre, la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, on a lancé un emprunt, pas un emprunt, on a lancé une souscription pour que les Français amènent leurs pièces d'or qu'il leur reste encore pour pouvoir acheter des munitions pour terminer la guerre. Et on vous donne des beaux certificats. Les gens qui s'amenaient avec les pièces d'or, on leur donne un beau certificat comme de quoi ils avaient fait dans la patrie d'or à la place de billets. Et ces billets, naturellement, ont eu une valeur éphémère, c'est-à-dire qu'ils ont été vite. Il y a eu une inflation qui s'est abattue et par la suite ces billets ils ont presque plus rien valu. Oui, il vous restait votre certificat, tout ce qui vous restait. Et je me suis rendu compte que c'était les banquiers qui étaient chargés de faire cette opération. Et mon patron, lorsque j'allais porter dans la salle des coffres avec le caissier le matériel pour le mettre à l'abri, j'ai vu des sacs et j'ai demandé au caissier qu'est-ce que c'est. Il m'a dit ben, ce sont des sacs d'or, c'était des sacs de pièces, dont une partie allait bien à l'État, c'est d'accord, mais l'autre partie, il le conservait pour son compte personnel. Et naturellement, ça m'a fait découvrir aussi un monde qui était plutôt malhonnête que patriote.